Chapitre 3. La femme dans la vie intellectuelle. Le mouvement, qui depuis le règne de François Ier attire à la cour les châtelaines et leurs familles, affaiblit, disions-nous, l'action domestique de la femme, mais développe son action sociale. Nous allons étudier cette action sur les lettres, sur les arts, et même sur cette forme inimitable de l'esprit français, la causerie. Nous examinerons, dans le chapitre suivant, ce que fut l'influence de la femme dans un autre domaine, celui qui embrasse à la fois les événements historiques et les œuvres collectives de la charité. En cherchant quelle fut la part de la femme dans la vie intellectuelle de la France, nous entrons tout d'abord dans cette époque brillante que l'on a si improprement nommée la Renaissance. Les esprits impartiaux le constatent. Les lettres, les arts, les sciences n'avaient pas à renaître puisqu'ils vivaient toujours. Il est vrai qu'au Moyen-Âge, c'était surtout la vie de l'âme qui les animait, tandis que sous l'influence païenne du XVIe siècle, ce fut surtout la vie matérielle qui fit ruisseler dans leurs branches une sève plus riche que bienfaisante. L'Italie avait opéré cette transformation en initiant la France aux traditions grecques et romaines interprétées par elle. Malheureusement, ce que la cour voluptueuse des Valois demandait aux écoles italiennes, ce n'était pas l'idéal de pureté ou la grandeur biblique de leur plus noble génie. C'était le sensualisme qui dominait alors dans ces écoles. C'était aussi le faux goût avec lequel elles donnaient, souvent à la beauté antique, ce fard trompeur que produisent les civilisations raffinées. La France, cependant, ne subit qu'à des degrés divers l'influence antique modifiée ou dénaturée par l'Italie. Dans cette première période de la Renaissance, qui avait ouverte sous Charles VIII et Louis XII, les premières guerres d'Italie, le génie français, mesuré, simple, vif et sévère à la fois, n'avait pris de l'influence nouvelle que ce qui pouvait le féconder. Et lorsque, dans la seconde période de la Renaissance, sous François Ier et ses successeurs, l'influence italienne devint prépondérante et que, poètes, artistes, lui empruntèrent la grâce voluptueuse et maniérée de la forme, la pompe affectée de l'expression, la recherche alambiquée de la pensée, les traditions nationales, se maintenaient toujours, et c'était à ces traditions, vivifiées par le génie antique, pris à la source même, que devait revenir le bon sens du pays. Heureuse aussi dans cette évolution, la France eut retrouvé une part précieuse de son patrimoine, ces vieilles épopées qui lui avaient fait mépriser la dédaigneuse Renaissance. Quelles que soient nos réserves, il nous faut reconnaître que si la Renaissance n'eut rien à ressusciter en France, elle imprima du moins un prodigieux mouvement aux intelligences, surtout dans le domaine de l'art et dans celui de l'érudition. Nous savons combien, dans ce dernier domaine, la femme se distingua. Ajoutons ici qu'au double point de vue artistique et littéraire, elle exerça une influence considérable. Il ne s'agissait plus, comme autrefois pour la châtelaine, d'inspirer de loin en loin le trouvère, le troubadour, l'artiste. La femme se mêle activement au mouvement intellectuel, dont la cour est le centre. Nous voyons encourager à la fois les traditions italiennes et les traditions françaises, mais il nous semble qu'en général, ce sont ces dernières qu'elle a surtout favorisées. Nous le remarquerons particulièrement pour les deux arts qui ont le plus gardé à cette époque le caractère national. La sculpture qui unit alors à la puissante expression morale de l'école française la pureté des lignes grecques. L'architecture, qui marie aux ordres antiques, rajeunie par l'esprit nouveau, les dentelles de pierre de ces vieilles cathédrales, ces élégantes tourelles, ces clochetons à jour. Aux lueurs de la première Renaissance, la reine Anne avait fait exécuter par Michel Colomb l'un des plus purs et des plus nobles monuments de la sculpture française, le tombeau des ducs de Bretagne. À Chambord, cette merveilleuse expression de l'architecture et de la sculpture française, la femme inspire le ciseau du statuaire. Dans le cariatide du château se reconnaissent les traits de la comtesse de Chateaubriand et ceux de la duchesse d'Étampes, la duchesse d'Étampes la plus belle des savantes et la plus savante des belles, la duchesse d'Étampes qui tient le sceptre de la royauté artistique avant qu'il lui soit ravi par la séduisante duchesse de Valentinois, Diane de Poitiers. À Fontainebleau, où règne l'école italienne, la duchesse d'Étampes protège dans le primatis la peinture et l'architecture italienne. Mais quant à la sculpture, Madame d'Étampes a compris que l'art antique ne pouvait que perdre à l'influence de l'Italie. Quand Benvenuto Cellini expose son Jupiter d'argent au milieu de toutes les statues antiques que le primatis a groupées dans la galerie de François Ier, le roi admire avec enthousiasme l'œuvre du sculpteur italien. Mais la belle duchesse ne souscrit pas à ce jugement. « Il semble, dit-elle, que vous soyez aveugle et que vous ne voyez pas ces statues antiques, ces figures de bronze. Voilà où est le vrai modèle de l'art, et non dans ces bagatelles modernes. » Mais peut-être y avait-il dans les paroles de Madame d'Étampes autre chose que l'expression du goût classique. Peut-être vengeait-elle contre l'impétueux Benvenuto un rival qu'il détestait, le primatis. Comme la duchesse d'Étampes, la duchesse de Valentinois protège le primatis. Elles encourageaient du moins dans ce peintre un artiste dont le goût n'était pas indigne d'influer sur ce génie français, avec lequel il n'était pas sans affinité. Le primatis avait d'ailleurs été formé à l'école d'un élève de Raphaël. Malheureusement, dans cette école, celle de Jules Romain, on avait oublié l'idéal du Sanzio, pour ne se souvenir que de sa grâce puissante. À Fontainebleau, dans cette galerie de Henri II, où le primatis n'ayant plus, comme dans la galerie de François Ier, a continué l'œuvre du Rousseau, put s'abandonner librement à sa verve. Tout rappelle le souvenir de Diade de Poitiers. Le chiffre de la duchesse, enlacé à celui de Henri II, le croissant, attribut de la déesse dont elle porte le nom, Diane Chasseresse représentait de diverses manières, une fois même sous les traits de la favorite, voilà un frappant exemple de ce divorce entre le beau et le bien, divorce qui ne fut que trop fréquent à la cour des Valois. Le chiffre enlacé de Henri II et de Diane se retrouve non seulement dans les palais royaux, mais dans les demeures seigneuriales de ce temps, et la figure de la duchesse est reproduite aussi bien par l'école française que par l'école italienne. Jean Goujon et Germain Pilon la font apparaître dans leurs sculptures. Jean Cousin, sur ses vitraux, Léonard de Limoges, sur ses émaux, évoque la souriante image. La duchesse de Valentinois avait paru favoriser à Fontainebleau la peinture et l'architecture italienne. Mais dans son château d'Annette, elle protège plus particulièrement les deux arts français, l'architecture et la sculpture. Philibert Delorme éleva cette délicieuse résidence que décorèrent Jean Goujon et Jean Cousin. Toutefois, l'art italien se montre encore ici dans la célèbre nymphe de Fontainebleau, due au ciseau de Benvenuto Cellini. Issue d'une race qui avait le culte délicat des lettres et des arts, Catherine de Médicis ne protège pas seulement les artistes italiens, ses compatriotes, mais la princesse qui goûtait à Amiot et Montaigne demeure fidèle à la tradition française pour nos deux arts nationaux. Elle fait élever les Tuileries par Philibert Delorme et par Jean Bullen, et l'hôtel de Soissons par le premier. Celui-ci raconte que la reine, douée d'un goût particulier pour l'architecture, jetait elle-même sur le papier les plans et les profils des édifices qu'elle faisait construire. Catherine fit exécuter par Germain Pilon le groupe des Trois Grâces, pour supporter l'urne qui renfermait le cœur de Henri II. Les pieux célestins à qui elle confia la garde de ce monument n'acceptèrent pas ce symbolisme païen, et pour eux les Trois Grâces devinrent les Trois Vertus théologales. Françoise de Birague, marquise d'Onel, avait aussi fait exécuter par Germain Pilon la statue de son père, le cardinal de Birague, Henri Barbet de Jouy, musée du Louvre, description des sculptures modernes. Une princesse, française de cœur comme de naissance, Marguerite d'Angoulême, sœur de François Ier, avait elle aussi favorisé l'art national. Si avec son frère elle avait visité les travaux du primatis, pénétré dans l'atelier de Benvenuto Cellini et défendu celui-ci contre celui-là, si elle avait pensionné l'architecte Sébastien Serlio, elle avait fortement encouragé dans Clouet l'école française. Marguerite protégeait aussi notre orfèvrerie qui produisait alors ces œuvres merveilleuses que nous admirons dans nos musées, et où le cristal de roche, les pierreries, prenant les formes les plus gracieuses, s'enchâssent dans d'admirables ciselures d'or. Le vieillard français, la tapisserie, la compte parmi ses protectrices et même, comme les châtelaines du Moyen-Âge, parmi ses artistes. Deux broderesses de Paris, René Serpe et Joanne Chaudière, lui envoient leurs œuvres. Les enfants dans la fournaise, le jugement de Daniel. Elle-même prend l'aiguille, et entourée de ses femmes, elle produit de belles tapisseries. On lui en attribue une qui avait pour sujet le saint sacrifice de la messe, et qui défigura, avec toute la passion d'une sectaire, la fille de Marguerite, Jeanne d'Albret. Mais Marguerite d'Angoulême appartient surtout à l'histoire des lettres, et contre les femmes de la Renaissance, c'est là qu'elle a tracé le plus large sillon. J'ai mentionné plus haut la vaste instruction qu'avait reçue Marguerite. Initiée au latin, au grec, elle lisait Sophocle dans le test hellénique et se fit enseigner l'hébreu par le canos. Elle avait la passion de la science. Malheureusement, elle porta cette passion jusque dans la théologie. Et nous verrons que ce fut là un écueil aussi bien pour sa foi, qui pencha vers la réforme, que pour son talent littéraire, qu'altéra souvent l'abus des dissertations religieuses. Marguerite aide de ses conseils François Ier pour la fondation du Collège de France. C'est d'après son avis que le roi porte de 4 à 12 le nombre des chaires qu'il y a établies. Elle le guide dans le choix des professeurs. Par elle, la chaire d'hébreu est donnée à son professeur le canos. Elle alloue une pension à l'orientaliste Postel. Duchesse d'Alençon et de Berry, apanage qu'elle garde lorsqu'elle épouse en seconde noce le roi de Navarre, Marguerite fait fleurir l'université de Bourges. Elle y donne la chaire de grec à Amiotte, l'inimitable traducteur qui fait passer dans la langue du XVIe siècle, déjà si riche, si abondante, les tours et les expressions de l'idiome hellénique. La sœur de François Ier favorise aussi la fondation de l'université de Nîmes. Aux frais de Marguerite, plusieurs pensionnaires sont entretenus dans les écoles de France, d'Allemagne même. Nous avons vu Marguerite entrer avec le roi, son frère, dans l'atelier de l'artiste. Elle accompagne aussi François Ier lorsqu'il visite dans l'atelier de la rue Jean de Beauvais Robert Étienne, le savant imprimeur qui s'applique à répandre les livres des anciens. Si malheureusement elle ne se refuse pas à chercher dans Rabelais l'esprit gaulois jusque dans son cynisme, c'est la grâce délicate et enjouée de l'esprit français qu'elle aime dans Clément Marotte, cet homme du peuple devenu son valet de chambre. Elle fait plus que d'accepter son poétique hommage, et traitant avec lui d'égal à égal, elle lui écrit en vers. C'est qu'elle parle à chacun dans sa propre langue, au poète comme au savant, comme au diplomate et comme aussi, par malheur, au théologien. Témoin la correspondance de la princesse avec Guillaume Brissonnet. Ne redisons pas encore les hommages reconnaissants qu'offrirent à Marguerite les esprits les plus distingués. Nous comprendrons mieux encore ces hommages quand nous aurons vu la princesse enrichir de ses propres travaux cette vie intellectuelle qu'elle honorait en la protégeant. L'œuvre à laquelle Marguerite a attaché son nom d'une manière impérissable est l'Heptaméron, plus connue sous cet autre titre, les contes de la reine de Navarre. Elle s'y est peinte elle-même, et elle a peint son siècle. On trouve dans cette œuvre toutes les tendances contradictoires du XVIe siècle. Les souvenirs du Moyen-Âge et les impressions de la Renaissance païenne, le sensualisme avec l'amour chaste, l'amour chevaleresque, l'amour qui s'immole au devoir, la profondeur du sentiment avec la légèreté de l'esprit et du langage, la raillerie qui se défie de l'attendrissement et qui sourit en essuyant une larme, la licence gauloise des vieux fabliaux et la grâce délicate qu'une société plus corrompue mais mieux polissée jette comme un voile sur la crudité de la pensée. La foi naïve et profonde d'autrefois, avec la libre pensée de la philosophie nouvelle et les préjugés du protestantisme, et aussi avec cette préoccupation théologique qui, familière à Marguerite, passionne facilement les conversations au temps des luttes religieuses. Les personnages de l'Heptaméron, ces seigneurs et ces belles dames que l'inondation du Gave retient dans une abbaye, ces aimables causeurs qui chaque jour sur le pré se comptent des histoires, et souvent quelles histoires, entendent tous les matins leur présidente, dame Oisille, leur expliquer la Bible avec une éloquence qui les touche profondément. D'après les travaux de la critique contemporaine, dame Oisille, en qui l'on avait cru reconnaître Marguerite elle-même, serait sa mère, Louise de Savoie. Au commencement de la 8e journée, dame Oisille commence l'Apocalypse, à quoi elle s'acquitta si très bien qu'il semblait que le Saint-Esprit, plein d'amour et de douleur, parlât par sa bouche, et tous, enflammés de ce feu, s'en allèrent pour la grand-messe. Ils ne manquent pas du reste d'assister chaque matin au Saint-Sacrifice, et ils osent invoquer l'inspiration du Saint-Esprit par leurs étranges récits. Est-ce là, de la part de Marguerite, une raillerie protestante? Ne serait-ce pas encore un signe de ces temps où le mélange si fréquent du mal et du bien produit la perversion du sens moral? Je ne le crois pas. Si les contes de la reine de Navarre sont bien des fois licencieux, la conclusion en est souvent honnête, comme dans ses poésies. Marguerite y joue volontiers le rôle d'un prédicateur. En faisant demander par les interprètes de sa pensée l'assistance du Saint-Esprit, elle ne se souvenait que du but qu'elle poursuivait. Elle oubliait par quel périlleux sentier elle y conduisait. Mais nous reviendrons sur cette délicate question. D'ordinaire, ce sont les hommes qui, dans l'Heptaméron, narrent les anecdotes les plus scandaleuses, surtout lorsqu'elles dévoilent les ruses, la fragilité, la néfaste influence des filles d'Ève. Les femmes s'en vengent bien d'ailleurs, et dans leurs récits, l'homme est généralement abaissé, la femme grandit. Ce sont des femmes, Oisille et Parlamente, c'est-à-dire avec Louise de Savoie, Marguerite elle-même, qui élèvent le plus haut la gloire de leur sexe. Une jeune femme, unie à un vieil époux, et lui demeurant fidèle en renonçant au monde, en vivant au service de Dieu, une autre sacrifiant sa vie à son honneur, une troisième secrètement mariée à l'homme qu'elle aime, et souffrant mille tourments pour lui, même quand cet homme la trahit. Une noble fille du peuple, défendant sa vertu contre un grand seigneur, qu'elle aimait plus que sa vie, mais non plus que son honneur. Tels sont les tableaux où nos charmantes conteuses aiment à faire resplendir le mérite des femmes. Quant aux hommes qui figurent dans les récits féminins, ce sont très souvent des ingrats, des perfides, des hypocrites. Mais dans le camp des hommes, et même dans le camp des dames, il y a des transfuges. De galants chevaliers sont du côté des femmes, et une femme, faut-il le dire, passe à l'ennemi et lui livre traiteusement les ruses de son sexe. Il est vrai qu'elle n'en est que plus digne de foi lorsqu'elle célèbre les vertus de la femme. Les plus terribles adversaires des belles causeuses, Saffredante et Simontault, ne sont pas eux-mêmes tout à fait incrédules au mérite des femmes. Le premier montre une jeune femme qui, mariée à un homme âgé, sacrifie à son devoir un amour partagé, et meurt de ce sacrifice. Il est vrai que le narrateur ne l'approuve guère. Quant à Simontault, c'est lui qui dit la touchante histoire d'une héroïne de l'amour conjugal. Cette femme a suivi avec son mari le capitaine Robert Val, qui emmenait au Canada une colonie française. Pendant la traversée, la pauvre femme voit condamner son mari à la peine de mort pour crime de haute trahison. Par ses pleurs et par le souvenir des services qu'elle a rendus à l'équipage, elle obtient que la peine soit commuée et que son mari et elle soient déposés dans une île que hantent seuls les fauves. Elle aide le proscrit à élever une demeure. Elle se tient à côté de lui pour éloigner à coups de pierre les bêtes sauvages ou pour tuer les animaux dont la chair peut servir de nourriture. La pieuse femme soutient l'homme de son mari par la lecture du Nouveau Testament. Est-il malade? Elle est à la fois son médecin, son confesseur. Il meurt. C'est elle qui l'enterre et qui, à l'aide d'une arquebuse, éloigne de ses restes bien-aimés les bêtes de proie. Pendant quelques années, sa vie s'écoule dans la prière. Un vaisseau la recueille. Elle revient au milieu des vivants. Alors les mères la donnent pour institutrice à leur fille. Elle leur apprend à lire, à écrire, et à tous ceux qui l'approchent, cette grande chrétienne enseigne une autre science, celle-là même qui l'a soutenue dans son héroïque conduite, l'amour de notre Seigneur et la confiance en lui. À la suite de chaque histoire, les personnages de l'Heptaméron commentent le récit qui leur a été fait. On dirait une cour d'amour du Moyen-Âge. Dans leur jugement, les interlocuteurs ne démentent pas les principes, ou l'absence de principes, que nous remarquons dans leur récit. Les hommes sont pour la plupart légers dans leurs appréciations. Or d'Agoussin, qui, fidèle aux traditions chevaleresques, aimerait mieux mourir que de voir la dame de ses pensées lui sacrifier son honneur, or Géburon, qui éprouve un sentiment analogue, les seigneurs forment d'autres vœux, et quand l'un d'eux souhaite que toutes les femmes soient peccables, à l'exception de la sienne, Simontault est de cet avis. Ce dernier gentilhomme déclare ailleurs que la femme ne doit pas écouter sa conscience, et Saffredante imagine qu'elle n'a de vertu qu'autant que l'homme a de respect pour elle. Nous savons que la Rochefoucauld ne pensera pas autrement. Le mariage même n'est pas toujours respecté par nos libres causeurs. Ils s'amusent fort de la vengeance conjugale, qui ajoute le déshonneur d'un des deux époux au déshonneur de l'autre. Heureusement, des femmes sont là pour défendre les droits de la morale et la dignité du mariage. Madame Oisille exalte le pouvoir de l'esprit sur le corps, la nécessité de demander à toute heure l'assistance du Saint-Esprit, pour enflammer en nous cet amour divin que nous devons toujours élever au-dessus de tout, même des affections légitimes. Parlamente, qui trouve juste les plus terribles châtiments réservés à l'épouse infidèle, Parlamente veut que le mariage, lien sacré, soit consacré d'après les conseils éclairés des parents, et que l'honneur et la vertu en soient la base. Elle résume en trois mots l'honneur de la femme, douceur, patience et chasteté. La femme doit être victorieuse d'elle-même. Pour la noble narratrice, qu'il nous est particulièrement doux ici de voir identifier avec Marguerite, l'amour n'est pas ce plaisir profane que vantent trop souvent ses compagnons de voyage. C'est la recherche de la vertu dans l'être aimé, recherche que rien ne satisfait ici-bas, et qui ne trouve son but que dans l'amour divin. Plus le cœur est pur, plus il est capable d'amour. Le cœur renaisse envers Dieu, et les hommes aiment plus fort que celui qui est vicieux, et ne craint point que l'on voie le fond de son intention. Parlamente juge que la femme seule est capable de cette chaste tendresse. L'amour de la femme bien fondée et appuyé sur Dieu et sur honneur est si juste et raisonnable que celui qui se départ de telle amitié doit être estimé lâche et méchant envers Dieu et les hommes. Parlamente unit ici à la doctrine platonicienne l'inspiration qu'au Moyen-Âge l'Évangile donna à l'amour chevaleresque. Bien que les compagnes d'Oisille et de Parlamente n'aient pas en général leur élévation de pensée, leur sûreté de jugement, l'une d'elles, Longarine, peut aussi faire des sages réflexions. Elle déclare que l'épouse dédaignée doit triompher par la patience. Mais pourquoi faut-il que ce sage conseil suive une histoire passablement légère où la narratrice a fait rire aux dépens des maris? Ailleurs, ce que Longarine dit de la réputation est vraiment d'une honnête femme. Quand tout le monde me dirait « femme de bien » et je serais seule le contraire, la louange augmenterait ma honte et me rendrait en moi-même plus confuse. Et aussi, quand ils me blâmeront et je sentisse mon innocence, son blâme tournerait à mon contentement.